Les mécanismes de la pensée, le conférencier Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jacques. Les mécanismes de la pensée. C'est en apparence peut-être pas grand-chose, mais c'est un sujet très complexe, je pense. C'est un sujet complexe, c'est pas grand-chose. Étant donné que l'homme pense, puis que l'homme réussit à raisonner sa vie, puis que l'homme réussit à être ce qu'il est présentement parce qu'il pense, ben je pense que c'est grand-chose, la pensée. Oui, mais définir la pensée clairement, je pense que c'est très difficile. Plus la pensée de la personne qui essaie de définir est claire, plus claire peut être la définition de la pensée. Ça va de soi. Maintenant, la définition même de la pensée, c'est pas quelque chose qui me préoccupe tellement, c'est surtout de savoir comment elle fonctionne. Puis c'est pas tout à fait la même chose. La définition d'un auto, c'est quelque chose, maintenant, savoir comment elle fonctionne, c'est autre chose. Puis le mécanicien, c'est pas nécessaire qu'il connaisse tout le vocabulaire, disons, d'un érudit pour pouvoir définir un véhicule automobile. Il peut pas avoir l'éducation au niveau de la définition, mais connaître bien comme il faut, même s'il connaît pas le nom des pièces, il peut connaître, comprendre. Le mécanisme de fonctionnement d'un automobile. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que la pensée, dans l'homme, il y a différentes choses, premièrement, que nous, on peut penser que c'est la pensée. Donc, nous, on peut qualifier de pensée. Et ces choses-là, c'est non seulement pas tout à fait et pas toujours la pensée, mais de temps en temps, ça l'est. Alors, quand il vient un temps où l'homme est capable de se rendre compte que de temps en temps, il pense et que de temps en temps, il ne pense pas, mais qu'il exprime quand même quelque chose. Donc, par exemple, tu as des émotions, mais tu penses pas. Quand tu as peur, tu penses pas. Tu as peur. Il y a différentes activités dans la vie humaine, n'est-ce pas, qui nous permettent d'exprimer certaines émotions, mais qui nous empêchent de penser. Alors, ce qui fait que quand l'individu arrive à pouvoir se rendre compte que de temps en temps, il pense et de temps en temps, il ne pense pas, bien là, l'individu arrive à une étape d'évolution où il peut réellement prendre conscience de sa pensée. Alors, pendant longtemps, l'homme a vécu sur la Terre en sachant qu'il avait des émotions. Et l'homme pensait qu'il était lui-même émotion. L'homme ne voyait pas la différence entre l'expression d'une émotion et l'expression d'une pensée intelligente. De toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de différence. Pourquoi? Parce que, disons, rapportons-nous aux Romains, ben non, même en remontant, mais même avant, mais disons, prenons une époque comme l'époque romaine, l'époque des conquêtes romaines, l'individu était émotif, et l'individu étant émotif se servait simplement de sa forme, disons, de pensée, son intellect, son corps mental, pour pouvoir, assoupir son émotivité, pour pouvoir rassurer ses peurs, pour pouvoir jouir de sa puissance, puissance que lui concevait, et à l'époque, l'homme ne savait pas que la puissance était relative. Était puissant par rapport à un faible, mais impuissant par rapport à un fort. Mais ça, l'homme ne le voyait pas. L'homme se croyait puissant et totalement puissant. Alors, les Romains ont fait des conquêtes. Philippe de Macédoine a fait des conquêtes avant eux. Et puis, il y en a eu plusieurs. Alors, ce qui fait qu'à cette époque-là, l'homme, lui, avait une idée. Disons, je vais fabriquer une nouvelle arme. Mais l'homme ne pouvait pas faire la différence entre la pensée intelligente, disons l'intellect, qui coordonnait ses mémoires, ses connaissances, pour pouvoir fabriquer une nouvelle arme, une catapulte par exemple, quelque chose comme ça. Lui, l'homme ne voyait pas la différence entre ça et l'idée même de vouloir faire une catapulte, l'idée de vouloir conquérir des ennemis. Pour lui, c'était la même chose. Donc, l'homme qui avait une émotion était un homme qui était vivant. Alors, je pense, donc je suis, bien, à cette époque-là, le « je pense » définissait toute l'émotivité psychologique de l'homme, plus l'expression mentale naissante de l'homme, le début de son intellect. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ben, on a à peu près le même genre d'évolution dans l'enfant. L'enfant qui vient au monde a un corps physique, a un corps vital, c'est-à-dire qu'il est en vie, c'est normal. Bon, c'est pour ça qu'il vient au monde. Ceux qui peuvent... ceux qui sont opérationnels, dirait un technicien de la robotique. Alors, quand un enfant vient au monde et qu'il est fonctionnel... Ce qui arrive simplement, c'est que cet enfant-là a des émotions, mais il ne réfléchit pas encore. Sa capacité intellectuelle est à l'état de croissance, mais elle n'est pas encore personnalisée. Et personnalisée, c'est quoi? C'est quand l'extérieur de l'enfant peut reconnaître quelque chose dans l'enfant. Toi, tu as une personnalité et tu as une identification de toi. Et la personnalité, c'est ce que moi, je vois de toi, et l'identification, c'est ce que toi, tu crois que tu es. Et c'est à quoi tu t'attaches. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au début, on a une émotivité, dans l'évolution psychologique de l'enfant. Et vers l'âge de 3-4 ans, puis il y en a, c'est plus long, il y en a, c'est un petit peu plus de bonheur, l'enfant va finir par atteindre la phase de l'identification dans son développement émotionnel. Il va commencer à dire « je » au lieu de s'appeler par son nom, comme Daniel fait telle chose. Il va commencer à pouvoir dire « je ». Il va être capable de se différencier de ses parents lentement et la phase d'identification va durer jusqu'à l'adolescence, même jusqu'à la fin de l'adolescence. Mais la pensée, elle, la pensée réellement pensée, c'est quand l'enfant est capable, disons, normalement c'est à l'école qu'il va pouvoir découvrir le phénomène de la pensée, le phénomène de l'intellect, et il va être capable, inconsciemment dans le début, de faire une différenciation, donc un discernement entre les deux. Un discernement inconscient, pourquoi? Parce qu'il ne le comprend pas. Mais il est capable de réfléchir un problème de mathématiques ou un problème scolaire, puis il est capable de jouer la récréation sans qu'il soit perturbé lors de la récréation par le problème mathématique. Ce qu'un adulte ne pourra pas faire, normalement l'adulte qui a un problème mental, disons un homme d'affaires ou n'importe quel parent, un adulte, bien, même dans son temps de loisir, le problème mental vient le hanter. Et ça, l'enfant n'a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore conscience de la différenciation entre l'un et l'autre. La conscientisation, ça amène des problèmes, ça on le sait. Mais ça amène des problèmes, pourquoi? Parce qu'on se conscientise un peu, mais on n'a pas fini l'étape, disons, évolutionnaire de la conscientisation. Donc, pendant qu'on est en train de se conscientiser, on souffre, on a des problèmes. Et si on prend un chemin plus facile et plus adéquat de la conscientisation, on ne souffre pas parce qu'on est capable d'admettre qu'on ne sait pas tout et qu'on n'est pas en droit de tout savoir instantanément. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Alors, notre enfant, il finit par apprendre les mathématiques, il finit par apprendre le français, corriger les fautes. Et donc, lentement, on lui inculque une méthode pour pouvoir se servir, pour que l'enfant puisse se servir de ses mémoires, donc de ce qu'il a appris de par son éducation, de ce qu'il avait en termes de mémoire génétique. Alors, l'enfant est capable, à un certain moment donné, et ça, tout le monde peut le faire, de pouvoir se servir de ses mémoires d'une façon logique et coordonnée. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas coordonné, ben ça devient de l'émotivité. Alors, ce qui arrive, c'est que, ou c'est un mental, évidemment, qui est complètement perturbé, mais quand un mental est perturbé, normalement, l'individu exprime beaucoup plus l'émotivité. Alors, si on regarde certains délinquants, pas délinquants, mais délinquants mentaux, là, donc des débiles mentaux, ou ceux qui n'ont pas un développement normal de leur cerveau, ben ceux-là vont exprimer plus les émotions que quelque chose de mental. Pourquoi? Parce que la forme mentale de l'homme, et ça, c'est très, très important, l'énergie mentale de l'homme peut s'exprimer dans la matière, donc dans le monde de l'homme, seulement si le cerveau est apte à permettre son expression. L'émotivité n'a pas besoin de la même quantité de neurones, donc n'a pas besoin, disons, presque pas besoin du cerveau pour pouvoir s'exprimer. Par contre, la partie mentale, donc la pensée, hein, la pensée de l'homme, elle a absolument besoin d'un cerveau en état de fonctionner. Et plus le cerveau va être en état de fonctionner, plus la pensée va être capable d'arriver à sa conscientisation, donc non pas à sa personnalité. L'enfant a une personnalité mentale, donc de pensée, quand il va résoudre un problème d'une façon, disons, typique à lui, donc à sa manière. Toi, tu vas finir par conduire à ta manière. Tu vas finir par résoudre certains problèmes familiaux ou de travail à ta manière. Et ça, c'est ta personnalité mentale. Mais quand tu arrives à pouvoir t'identifier, c'est-à-dire quand la partie mentale, ta pensée, peut s'identifier, elle sait qu'elle existe. Et elle ne se mélange plus à la partie émotionnelle de l'être humain. Elle sait qu'elle existe à part. L'homme sait qu'il pense. Et quand l'individu arrive à savoir qu'il pense, pas parce qu'on lui enseigne, parce qu'il le sait, mais automatiquement, la phase de la pensée, donc le corps mental, est rendu à la parcelle, disons, le quatrième schéma d'évolution, la phase d'identification. Quand on en est rendu là, eh bien là, on commence à pouvoir, disons, se libérer de certains problèmes psychologiques ou on peut en avoir plus. Bon, c'est là le problème. Comment fonctionne la pensée? La pensée, elle, c'est quelque chose qui est tributaire, donc qui dépend totalement de nos mémoires. Et ça, c'est une pensée passive. C'est ce qu'on appelle l'intelligence passive en ésotérisme. Comparativement à l'intelligence active, qui est une énergie supérieure qu'on peut cataloguer de supramental, de causal ou de n'importe quel terme de nom. Et cette énergie-là, le Saint-Esprit, cette énergie-là, elle, c'est un savoir instantané, donc elle ne se réfère pas à la mémoire humaine. Par contre, l'intellect de l'homme, donc la pensée de l'homme, se réfère à la mémoire humaine, donc à la mémoire de l'individu. Et se référant à la mémoire de l'individu, elle doit donc suivre un cheminement pour pouvoir aller chercher les bons morceaux de mémoire, pour pouvoir les placer selon une chaîne logique, et là, elle arrive à une compréhension, ou à une solution, ou à une action. Bon. Oui. Excuse. À ce moment-ci, là, tu mentionnes que la pensée est puisée dans les mémoires de l'homme. Mais est-ce qu'elle peut être aussi puisée dans les mémoires de la planète? Oui, mais plus tard. Alors, on va résumer, on va commencer, disons, avec les mémoires humaines, mais effectivement, il y a un temps où la pensée peut se servir des mémoires extra-humaines, c'est-à-dire extra-individuelles, les mémoires de la planète. Et ça, tu l'as comme exemple à la télévision, hein, tu l'as en lisant un livre. OK, ça devient tes mémoires par après, ça c'est évident, mais tu peux réfléchir, s'il te manque des données en mémoire, tu peux aller les chercher à l'extérieur et tu vas arriver à raisonner la même chose, comme un ordinateur va faire. Si on est tous ici et qu'on essaie de penser, ben automatiquement, on va être capable de penser. Bon, c'est pas bien compliqué, sauf que si je vous demande de penser, on peut plus penser. Hein? C'est comme quand tu dis à quelqu'un « parle », ben là, c'est plus quoi dire. On fait des tests avec les micros des fois, on dit « dis quelque chose », là, c'est plus quoi dire. Puis si t'as pas de micro, tu sais quoi dire. La pensée, c'est similaire. Quand tu veux te concentrer, quand tu veux penser à quelque chose, ben souvent, tu te fais avoir puis tu penses à un paquet d'autres choses. Par contre, si tout d'un coup, inconsciemment, ton cheminement de pensée t'arrive, t'amène quelque part, bien, ça peut faire 10, 15, 20 minutes, une demi-heure que tu penses au même sujet, sans être distrait par d'autres choses. Puis tout d'un coup, tu te rends compte que ça fait longtemps que tu penses à ça. Tu as peut-être trouvé des solutions, tu as peut-être vu des choses, tu as peut-être rêvé quelque chose de particulier, mais tu as été capable, parce que tu ne le voulais pas, de rester concentré sur une idée. Et à l'instant même où tu prends conscience de ça, tu as de la misère à rester dessus, puis tu es encore balayé par le vent. La pensée, elle, si on essaie de penser à quelque chose et qu'on n'a pas cette chose-là en mémoire. Alors ça, c'est simplement un petit test bien simple à faire. Pourquoi? Parce qu'avant disons, je dis que la pensée est tributaire, donc elle dépend totalement de notre mémoire. Parce que ça, il ne faut pas dire « ah ben c'est vrai » sans l'avoir expérimenté. Parce que là, on tombe dans la croyance puis dans bien des choses. Puis ça, la pensée logique de l'homme a une capacité extraordinaire d'être capable justement de prendre quelque chose et de s'en servir dans un événement donné, donc de rendre l'homme efficace. Mais si la pensée se base sur des choses acquises par foi, par croyance et non par vérification, ben si on part sur des bases non logiques avec un véhicule, donc le mental, qui est logique, ben on n'arrivera pas à une réponse logique. Sauf si on a un véhicule mental, donc une pensée tellement développée qu'elle est capable, elle, de savoir que les données que tu lui donnes ne sont pas adéquates pour résoudre le problème d'une façon logique. Alors, ce qui fait que la pensée vient de la mémoire, mais ça, on va l'expérimenter tout de suite. Ça va faire une affaire de fait. Ça va prendre 32,4 secondes, un petit peu plus pour certains. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que si vous essayez de vous imaginer que vous n'avez pas de mémoire, alors présentement, là, oubliez tout. Alors, si vous oubliez tout, vous ne savez pas comment vous vous appelez, vous ne savez pas ce que vous faites ici, vous ne savez pas comment est fait votre corps, vous ne savez pas ce qu'est un cheval, vous ne connaissez pas les couleurs, et évidemment, vous ne savez pas parler, parce que vous ne l'avez pas appris, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas en mémoire. Alors, essayez de penser à quelque chose sans mémoire. Bien, n'importe quelle chose qui vient à votre esprit a été permis par votre mémoire. Vous pensez, ah ben là, je pense. Oui, mais ça, c'est des mots. Vous les avez appris. Parce que pensez ça en russe, vous ne serez pas capable, parce que vous n'avez pas appris le russe. Pensez-le en tchécoslovaque, vous ne serez pas plus capable. Pensez-le en français, oui, parce que vous avez appris, ou en anglais pour certains, ou en espagnol pour d'autres. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Pensez à un chat, mais vous ne connaissez pas c'est quoi un chat. Vous ne pouvez même pas nommer le chat. Alors, ce qui fait que si on n'a pas de mémoire, mais on n'a pas de pensée. L'homme ne peut pas penser si l'homme n'a pas de mémoire. Vous regardez un verre d'eau, vous vous tournez la tête et il n'y a jamais eu de verre d'eau. Parce que vous ne l'avez pas en mémoire. Alors, évidemment, vous êtes un légume. Pas très comestible. Et puis, vous ne pouvez pas penser. Pensez-y bien, vous allez voir que c'est vrai. Hein? Bon. Alors ça, on peut l'expérimenter tout de suite. N'importe quand. C'est pas tellement pratique. Quand on travaille, expérimenter ça. Mais on peut l'expérimenter. Et de ce fait, en l'expérimentant d'une façon très facile, on en arrive, tout le monde, à la conclusion bien évidente que sans mémoire, je ne peux pas penser. Parce que tout ce à quoi je peux penser, Ben, je l'ai déjà en mémoire, je l'ai appris. Par contre, je peux décider, je connais la couleur verte, je connais un cheval, et je peux décider que je peux penser à un cheval vert. Même si le cheval vert n'existe pas. Mais vous ne pourrez pas penser à un cheval d'une couleur que vous ne connaissez pas. Alors, on peut dire, par exemple, en mathématiques, on fait ça souvent, que le mur est jaune, la banane est jaune, donc la banane est mûre. Hein? Mais ça, c'est des... Non, mais... Alors, s'il y a le cheval vert... Ça vient de ta pensée, ça? Oui, bon. Alors, ce qui fait que on peut mélanger des choses, on peut arriver à des conclusions qui paraissent extrêmement logiques, comme mon mur. C'est très logique, la banane est mûre, puis c'est vrai qu'une banane peut être mûre, la banane est jaune, le mur est jaune, donc la banane est mûre, ça a bien de l'allure. Ça a l'air fou comme ça. Mais quand on tombe dans l'ésotérisme, quand on tombe dans la spiritualité, quand on tombe dans les religions, quand on tombe dans n'importe quelle chose dans le genre, où le mur, on ne peut pas le définir, et la banane non plus, ben si un est jaune, l'autre est jaune, ben tu peux dire que la banane, c'est le mur, ou la banane est mûre. Alors, Dieu, je peux pas le trouver. Alors, si moi, je trouve qu'il y a un être bon dans l'univers, puis que toi, tu dis que Dieu est bon, alors moi, je peux dire que mon être bon, c'est Dieu. Mais mon raisonnement est logique pour ma pensée, pour mon intellect. Mais si mon intellect arrive à un point où il est capable de pouvoir savoir quand est-ce que quelque chose a une base solide et quand il ne l'a pas, ben il va être capable de douter de ses résultats. Alors le mur, ben on le connaît, on sait c'est quoi un mur. Un mur peut être jaune. On sait qu'une banane c'est jaune, puis qu'une banane peut être mûre. Mais c'est pas parce qu'on a un mur jaune puis une banane jaune que la banane est mûre. Parce que là on peut contempler le mur. Mais si je vous parle, moi, simplement, qu'un individu, disons, du nom de Jésus de Nazareth, ou Jésus le Nazaréen, pour être plus précis, était un être bon qui faisait des guérisons miraculeuses. Et c'était le Fils de Dieu. Et qu'un jour, l'homme entend parler d'un être bon, qui s'appelle Jésus, et qui fait des guérisons miraculeuses, alors automatiquement, ils vont penser que c'est le Fils de Dieu. Mais il manque un élément. Parce que nous, on fait un rapprochement et on en arrive tout de suite à une conclusion. Et conclusion qui nous paraît très juste et très logique et très évidente, qui devient donc une vérité, même si on n'a pas rien, même si on ne peut pas la vérifier. Comme mon mur. Alors, tous ceux qui ont ri du mur, ben, devraient rire aussi quand ils arrivent à des conclusions, disons, hâtives. Parce que ça a l'air logique. Mais la pensée, elle est logique. Mais la pensée de l'homme, elle est logique. On appelle ça l'intelligence de l'homme. C'est l'intellectuance de l'homme, c'est-à-dire une intelligence intellectuelle. Mais la pensée logique de l'homme n'est pas intelligente. Elle est intelligente en fonction de son bagage mémoriel. Un être humain est intelligent s'il a des connaissances. On peut cataloguer l'intelligence d'un être humain de deux façons, mais ces deux façons-là reviennent à la même chose. Alors, tu es intelligent parce que tu as un bagage intellectuel extraordinaire ou tu es intelligent parce que même si tu n'as pas de bagage extraordinaire, tu as une facilité extraordinaire, par contre, d'aller fouiller dans tes mémoires et de vraiment d'exploiter la totalité de tes mémoires. Alors, ce qui fait que notre mécanicien qui n'a pas de bagage intellectuel peut changer une roue, peut sauver quelqu'un d'un incendie, peut réparer un grille-pain même s'il ne l'a pas appris. Pourquoi? Parce qu'il fouille dans ses mémoires peut-être plus et d'une façon plus parfaite qu'un individu qui aura un bagage intellectuel extraordinaire. Mais l'intelligence de l'homme a rapport à ses mémoires, soit à sa faculté qu'il a d'aller les chercher, ou soit à la quantité qu'il a d'accumuler. Mais cette intelligence-là n'est pas intelligente. Et ça, c'est la pensée de l'homme. L'intelligence même, disons, c'est l'intelligence active, celle dont je vous parlais tout à l'heure, justement, qu'on pourrait appeler supramentale ou causale ou mentale supérieure ou Saint-Esprit ou bien des choses. Mais cette intelligence-là, elle commence à descendre dans l'homme. Elle est à l'état potentiel dans la majorité des individus, à l'état de croissance dans une minorité et dans une minorité très, très minoritaire, disons qu'elle est à l'état de personnalisation ou même d'identification. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que moi, je peux penser à partir de mes mémoires. Si je sais qu'un cheval peut être brun, je vais avoir de la difficulté à imaginer un cheval qui est bleu. Par contre, si je peux m'imaginer, donc, qu'on peut peinturer un cheval bleu, qu'on peut taper dessus en mâche tant qu'il devienne bleu. En tout cas, il y a bien des choses qui me permettent de pouvoir envisager un cheval bleu. Mais là, c'est simplement parce que je connais les effets de la peinture, de la teinture, du frappage, hein, les bleus. Je connais les effets de certaines choses, donc à partir de là, je peux arriver à m'imaginer quelque chose. Et ça, l'imagination, elle est de deux ordres. soit qu'elle est dirigée par la pensée, donc c'est une imagination créatrice, style d'un inventeur, par exemple, ou d'un solutionneur de problèmes, hein, ce qu'on est pas mal tous, tout le monde, et l'imagination qui n'est pas dirigée par l'intelligence intellectuelle de l'homme et qui est simplement dirigée par l'intelligence aberrée de sa mémoire, donc de son émotivité, ce qu'on appelle en ésotérisme l'astral. Ça, c'est l'imagination du rêve. C'est pas mauvais, c'est beau de rêver. Faut pas qu'on rêve tout le temps, mais de temps en temps, ça relaxe. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que ma pensée, elle peut coordonner des mémoires que j'ai en moi. Et automatiquement, elle peut coordonner des faits que moi, j'appelle nouveaux. Mais un fait nouveau, ça n'existe pas réellement. Alors, si moi, je vois quelqu'un me lancer une balle de neige l'hiver, et que lui trouve ça bien drôle, ben c'est un fait nouveau, c'est-à-dire que c'est pas dans ma mémoire. Mais par contre, je sais très bien ce que ça va faire, sinon je vais l'expérimenter, après ça, je vais savoir qu'une balle de neige dans le visage, c'est pas tout à fait... Quand on la lance, c'est bien fun, mais quand on la reçoit, c'est autre chose. Alors donc, je vois l'événement s'en venir, mes yeux l'enregistrent, c'est automatiquement mémorisé. Parce que si c'est pas mémorisé, c'est comme mon verre d'eau. Je me retourne, puis il n'y a plus de verre d'eau. Alors, ma balle de neige, elle s'en vient, mais au fur et à mesure qu'elle s'en vient, si je revis avec sans la mémoriser, même l'instant d'une seconde, et que je ne suis contrôlé, ou du moins que j'ai comme capacité de travailler que mon intelligence intellectuelle, ben il faut que je la mémorise, ma balle de neige. En la mémorisant, ben là, je vois sa trajectoire, je peux extrapoler, voir si ça va venir vers moi ou non. Si l'émotivité embarque beaucoup, ben ça arrive souvent qu'on extrapole mal. Là, on part en courant, puis on s'en va se placer en plein où est-ce que la balle s'en allait. Ça, c'est l'émotivité. Alors, ce qui arrive, c'est que si moi, logiquement, je vois ça, ben, à partir de mes mémoires, je peux agir efficacement. Si c'est mon émotivité qui prend le dessus à ma pensée, ben, je vais rester figé devant la balle de neige, ou devant le train qui me fonce dessus, ou devant l'auto, ou devant le bicycle, ou devant bien des événements, et puis là, évidemment, je ne peux pas être efficace lors d'un événement comme ça. Alors, ce qui fait qu'on a donc deux formes de pensée. Une pensée émotive, celle qui te dit... Ah, ben oui, vas-y, ça va être le fun à mort. Puis celle qui te dit, ben oui, mais vas-y un instant, t'as même pas l'argent pour y aller. Puis l'autre, la pensée émotive qui revient, ah, mais c'est pas grave, tu peux emprunter, t'as ta carte de crédit, tu payeras dans un an, c'est tout, t'as un petit peu d'intérêt, ça dérange pas. La pensée intellectuelle qui dit, ouais, mais minute, faut que je travaille comme un défoncé pour pouvoir payer ça par après. Puis la pensée astrale qui recommence, puis tu sais, bon, les deux petits anges là, qu'on voit souvent, là, ben ça peut ressembler à ça. Fait que vous achetez un tumouche, puis vous tapez sur celui qui est noir. Ça, c'est l'astral. L'émotivité, elle est bonne. Donne un bec à ton enfant. Ben non, parle à ta femme, parle à ton mari. Tu sais, bon, t'as une émotivité qui est bon, c'est correct. Mais le mental, lui, il est pas mal plus intelligent, même s'il n'y a pas d'intelligence parfaite. Il est drôlement plus intelligent, justement, que l'astral. Alors, l'intelligence va être capable, lui, de savoir, ton intellect, va être capable de savoir quand il faut que l'émotivité s'exprime, donc que l'astral s'exprime, et quand il ne faut pas. Tu rencontres ton patron pour la première fois, tu le trouves hyper joli, tu lui donnes un bec, ça c'est l'émotivité, mais là, c'est pas le temps. Si ça fait c'est ton enfant ou quelqu'un que tu connais depuis longtemps, puis bon, alors là, c'est le temps. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, on va embrasser quelqu'un qu'on connaît pas, hein, pas capable d'embrasser ceux qu'on connaît. Alors, ça, c'est l'émotivité, justement, qui a des problèmes. Mais la pensée peut réussir à régler ça. Mais pour le régler, elle doit être claire, être pure. Et c'est quoi être clair ou être pur? C'est ne pas être teinté par l'émotivité. Et ça, une pensée claire. Je pense donc je suis. Je pense donc je pense que je suis. Disons, à l'échelle de la pensée, ce serait juste. Le mécanisme même, ben, c'est simple. Moi, je vois un verre d'eau, j'ai une sensation. Ma sensation me dit que j'ai soif. Ça, c'est un phénomène que, biologiquement, j'ai pas étudié. Mais par contre, avec l'expérience, je sais qu'en prenant un liquide quelconque de l'ordre des liquides buvables, potables, ben, cette sensation-là finit par disparaître normalement. Alors, ce qui fait que, ne comprenant pas le mécanisme, comme la personne, c'est pas nécessaire qu'elle connaisse c'est quoi la pensée de fond en comble. Faut connaître le mécanisme pour pouvoir travailler avec. Et puis le reste, on s'en fout. Ça va finir par vous arriver à un moment donné, vous allez tout comprendre. Mais on n'est pas, c'est pas nécessaire de tout étudier, tout le mécanisme et tous les phénomènes pour arriver à travailler avec. Alors, moi, j'ai une stimulation qui me dit que j'ai soif. Et puis là, j'ai un verre d'eau là, avec des particules dedans. Non, l'autre fois, il y en avait, là, il n'y en a plus. C'est pas pire. Et on lavait le verre, ça faisait longtemps. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je vois l'eau, et puis automatiquement, ma pensée peut me dire, ben tu peux prendre l'eau, puis tu peux boire l'eau. Mais ça, c'est inconscient, parce que la pensée, ça va vite. Hein? Les neurones sont très collés, puis c'est presque à la vitesse de l'électricité. Alors, hein, ça va très vite. Alors, ce qui fait que ma pensée intellectuelle, elle, ma pensée intelligente, disons, dans le sens humain, va accréditer le fait que je devrais boire. Par contre, si c'est du Coke, du Pepsi, de la bière, ou des choses, mettons, dans le genre, que j'ai le goût de prendre quand j'ai de l'eau ici, ben là, c'est une pensée astrale qui embarque dessus. C'est plus une pensée intelligente. Et ça veut pas dire que c'est mauvais. Mais maintenant, le fait que je dise que ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est bon non plus. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que moi, j'ai une pensée intellectuelle. L'eau, c'est parfait. L'eau, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Et puis, si je décide que, bon, je vais aller me chercher une bière, ben là, c'est simplement que non seulement ma pensée intelligente veut compenser mon phénomène de soif, mais ma pensée astrale, et là, c'est important, et ça, c'est vraiment une clé pour différencier quand est-ce que c'est l'un qui pense et quand c'est l'autre qui pense, et ça, c'est nous autres, ces deux-là. Ben, c'est simple. C'est que si ma pensée intellectuelle veut recréer une condition, si ma pensée veut recréer une condition, ou encore poursuivre dans l'avenir, dans le temps, une condition, c'est donc une pensée mémorielle de type astral. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est simple. Moi, je veux boire de l'eau parce que j'ai soif, mais en même temps, ben là, ma pensée astrale, elle va dire, bon, t'as soif, fait que profite-en donc pour boire de quoi qui plaît à ton palais. Alors ça, c'est parce que je connais le goût, je connais le plaisir sensoriel que ça amène à ma psychologie et je veux recréer le phénomène. Parce que sinon, je boirais de l'eau. Parce que ben, j'ai de l'eau, là. Alors, je boirais de l'eau. C'est simplement pour compenser la déshydratation. Si je me dis, bon, ben, j'ai pas soif, mais une bonne petite bière, ça me ferait du bien. Ça te ferait du bien à quoi? À qui? Pas à ton corps physique, pas à ton corps vital, à ta psychologie, oui. Pas à ton corps mental. Le corps mental, lui, t'as pas soif, tu bois pas. T'as pas faim, tu manges pas. T'as faim, tu manges. Quand t'as plus faim, t'arrêtes. Tu veux-tu du dessert? Non, j'ai plus faim. Si j'ai plus faim pour le reste de mon assiette, j'ai pas faim pour du dessert. C'est logique. Ah, ben, peut-être, hein, parce que c'est bien. Bon, ça, c'est une pensée astrale qui rembarque dessus. C'est pas que c'est mauvais, mais disons que ce qui est mauvais, c'est de pas en faire la différence. Mais ça pourrait aussi être un besoin physique. Il y a de la bière. Quand tu penses à la petite bière qui te ferait du bien, c'est peut-être un besoin physique. C'est-à-dire que si tu as soif, le besoin physique apparaît, l'intellect te dit de boire et l'astral se s'empare, donc ta psychologie s'empare de ton désir de boire, donc de la logique que tu devrais te boire, justement, t'hydrater. Et elle va simplement venir ternir ça pour te donner, pour essayer de revivre une condition qu'elle a déjà vécue et qu'elle a trouvée plaisante. Et ça, ça a l'air bien simple. Dans ce sens-là, on dit, ben oui, mais c'est pas grave. C'est un fait que c'est pas grave. Oui, mais dans le cas de la bière, il y a de l'alcool dedans. Oui. Et puis si le corps physique a besoin d'alcool à ce moment-là, c'est un besoin physique. Oui, c'est un besoin physique. Mais c'est quand même ta psychologie qui va vouloir, c'est ça justement là que je veux en venir, ta psychologie qui va vouloir fuir, empêcher donc la continuité d'une douleur ou d'un manque de quelque chose, donc d'une drogue. Mais fuir quelque chose, c'est vouloir continuer quelque chose. Tu veux continuer à être bien, donc si le manque de nicotine ou le manque de pot ou le manque d'alcool te fait du mal, pour continuer à percevoir un état, disons, que tu catalogues comme étant bien, parce que tu connais pas ce que c'est réellement quand tu es rendu à ce point-là, ben, automatiquement, tu vas vouloir prendre quelque chose, mais ça, c'est encore rien qu'une pensée qui est astrale. Le mental peut te dire, bon, ben prends-en, tu veux arrêter de fumer, mais là, tu es en train de virer fou, fait qu'il va falloir que tu fumes. Tu n'as pas le choix pour l'instant. Là, l'astral, elle va faire, hey, c'est bon. Bon, là, le mental a travaillé, ton astral s'en empare. Et ça, longtemps et encore, l'astral domine la pensée de l'homme. L'astral, c'est quoi? C'est toujours l'émotivité, disons, pour ceux qui ne seraient pas tellement familiarisés avec ce mot-là. C'est la psychologie non logique de l'homme, donc sa mémoire et son émotivité. Et la psychologie logique de l'homme, donc ça, c'est son intellect. Et ça, c'est ce qu'on appelle en ésotérisme le mental. Puis l'astral, c'est donc l'émotivité, entre autres, dans lequel vont apparaître les désirs, les peurs, les craintes, en fait, tout ce qui est... Regarde ces choses-là. Alors, ce qui fait justement que toi, tu vas te dire, bon, ben, j'ai chaud. Alors, je vais prendre une douche. Tout ce qu'il faut, c'est que tu rabaisses ta température corporelle ou encore tu es dans un état où tu n'aimes pas la sensation que tu as corporellement. Ça, c'est encore astral si tu n'as pas besoin de baisser ton corps. Pourquoi? Parce que la transpiration, quand tu n'es pas habillé, ou du moins pas trop habillé, c'est quelque chose de naturel qui permet justement de régulariser la température corporelle. Mais astralement, donc de par notre éducation, on sait qu'on doit être hyper vêtu, le plus tout le temps, le plus partout, le plus n'importe comment. Et puis, étant hyper vêtu, ben, automatiquement, notre transpiration, elle devient une saleté. Elle devient vraiment un encrassement. Hein? C'est gênant. Alors, ce qui fait que tu veux prendre une douche. Mais au lieu de prendre la douche, tu peux aussi décider de prendre un cornet, comme glacé. Ou de boire un hyper grand verre d'eau hyper gelé, bien froid. Mais ça, c'était très, très, très, très, très mauvais pour le corps physique. Mais ça, c'est pas un besoin du corps physique. Le corps physique ne demande pas ça. Par contre, le corps physique a peut-être besoin de certaines choses que ta pensée émotive, elle, pour goûter, pour avoir du plaisir. C'est évident que tu dois manger. Et c'est évident que tant qu'à manger, autant manger des choses que t'aimes. Mais s'il faut que tu manges des choses que t'aimes au détriment de ton corps physique, bien là, c'est typiquement astral. C'est-à-dire que c'est typiquement émotif et ce n'est pas logique. Donc, aussi peu intelligent que l'intellect de l'homme peut l'être, en tout cas, c'est pas intelligent pantoute. Bon. Alors, ce qui fait justement que si tu fais juste regarder le phénomène, bon, j'ai soif, je vais boire de l'eau, bof, je vais aller me chercher une bière à la place ou un coke. Bon. Alors, tu vas chercher quelque chose d'autre, c'est pas grave. Du moins, c'est pas grave. Peut-être pas dans l'état évolutionnaire de l'homme pour l'instant. Mais. Si tu ne vois pas le principe, le processus qui se passe présentement, tu as ta pensée, tu as l'aliénation de ta pensée par ton émotivité, par le désir de goûter, le désir d'avoir du plaisir. Donc, le désir de répéter quelque chose que tu as en mémoire. Quand vous avez un désir d'une continuité, vous voulez manger un bon steak. Pourquoi un bon steak? Vous le qualifiez déjà de bon parce que vous avez déjà goûté. Ça, c'est pas grave. Mais si vous ne voyez pas le phénomène même qui se passe, quand ça arrive... Alors, ce que je veux dire par là, c'est ça. Moi, je vais boire de l'eau, puis en fin de compte, bon, je décide d'aller me chercher quelque chose d'autre, et je sais que c'est mauvais pour ma santé. Puis je le fais pareil. Bien, si je m'en rends compte, disons qu'intelligemment, je peux me permettre de le faire si ça me plaît. Disons qu'à un moment donné, c'est mieux de plus faire ça, là, mais tu peux encore te le permettre. Par contre, la journée où ce que justement il va t'arriver quelque chose de catastrophique dans le style que tu veux t'acheter un auto puis que tu n'as pas l'argent pour l'acheter, mais que tu l'achètes quand même parce que ça te plaît, mais c'est le même processus qui vous avez catalogué avant de pas dangereux qui devient dangereux. Le fait de vouloir sortir avec une jolie fille quand tu es marié avec 8-9 femmes, que tu as 350 enfants, puis tu sors avec un autre, bien, à un moment donné, ça ne marche plus. Hein, on connaît un bonhomme qui était assez riche, qui avait fait un pari, qui était pour souper avec, je pense, 7 femmes. Howard Hughes. Bon, ben c'est oh, ça. Trois femmes. Bon, ben, tu vois, trois femmes, il avait loué un hôtel, je pense, trois planchers d'hôtel. Il y avait une femme invitée, chacun des planchers. Et puis là, il soupait avec une, tout d'un coup, il partait pour une réunion d'affaires pour une vingtaine de minutes, c'était pas long. Il prenait l'ascenseur, il montait sur le deuxième plancher, il allait souper avec l'autre. Là, hop, il demandait au téléphone, il repartait, il allait au troisième, il redescendait au premier, puis il a passé la soirée comme ça, souper avec toi. Il s'est fait pécer, par exemple. Il s'est fait prendre cette fois-là, oui. Alors, c'est justement ça qui arrive. C'est que des choses, c'est que le petit phénomène de l'eau, de la bière, de s'habiller de telle ou telle manière, n'importe quel petit phénomène où, par exemple, logiquement, je m'en vais à une soirée, je devrais être habillé de telle manière. Pourquoi? Parce que, disons que les individus, c'est le même qu'on devrait être logique, là je parle, là je réfléchis comme une logique. Les individus sur place ne pourront pas m'accepter si j'arrive pas habillé, au moins dans un cadre, disons, social donné. Hein? Soit dans un camp de nudistes habillé jusqu'au menton, bien évidemment, tu vas être mal vu. Par contre, si tu vas dans un endroit où ce qu'on joue du classique puis tout ça, disons, en place des arbres, tu arrives à poil, c'est aussi mal vu. Alors, il faut évidemment choisir l'habillement en fonction de l'ambiance. Mais, toi, tu t'habilles bien comme il faut, tu te fais un veston, des pantalons de ville, des souliers. Tu as tout ça chez vous, tu mets ça, tu te regardes, puis là, pas de veston là. Notre veston. Mais là, c'est ça. C'est que logiquement, c'était logique. Même un robot se serait habillé en fonction d'être accepté quelque part. Mais de là, commencer à se traumatiser pour l'habillement. Que ça, ah ben peut-être pas à soi, puis ah ben il neige plus, puis le blesse pas beau que la neige, puis bon, tu commences à y aller avec des choses comme ça, ben ça c'est un petit problème. Pour certains, c'est un immense problème. Mais juste, si tu continues toujours à voir, t'amènes tes enfants souper chez quelqu'un, puis il y en a un qui mange avec ses mains, il y a que 3 ans. Ben oui, ben là, ça te frustre. Mais si tu es mental, donc si tu es logique, franchement, à 3 ans, hein, veut dire, si les autres comprennent pas, ben là... Bon, quand tu as 12 ans, ben là, à moins que tu ailles un papier du médecin, là. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Notre intellect peut réaliser des choses extraordinaires s'il n'est pas teinté par l'émotivité. Et le mécanisme même de la pensée, ben, il est bien simple. La pensée, c'est un phénomène énergétique, donc c'est un phénomène, c'est une espèce de canal qui est capable d'aller chercher des parcelles de notre mémoire et de venir les placer dans ce canal-là selon une suite logique pour permettre à l'homme d'être efficace dans un événement. Si je te demande de faire un long discours, ben mentalement, l'émotivité, si elle embarque, tu ne pourras pas faire de discours. Hein? Ça te met bien, bien des Kleenex en dessous des bras, là. J'ai déjà vu faire ça à Télémétropole par un chanteur. C'est trop nerveux. Je ne voulais pas que ça paraisse. Il est rentré sur la scène. Il fallait être un boxeur. Mais en tout cas, c'est ça. L'émotivité, si elle embarque, t'es pris. T'es faite. Par contre, si c'est la partielle intelligente, bon, toi, t'es, je sais pas moi, chef vendeur chez General Motors, ben, automatiquement, tu dis, oh, bon, il faut que je fasse une conférence. Bon, ben, c'est correct. Hein? Si t'es pris, t'es pris. Tu peux demander un cachet, ça c'est intelligent, mais tu te places en avant, tu commences à aller selon ce qu'on t'a demandé. Tu sais, si t'es pris dans une situation comme ça, il arrive un accident, t'arrêtes avec ton auto, puis tu sais pas ce que tu fais. Puis tu t'es même pas rendu compte que l'accident était sur le métropolitain, tu t'es même pas rendu compte que t'étais en plein milieu de la voie, puis qu'il y a plein de chars qui essayent de t'éviter parce que t'es arrêté là, toi, là, regardez l'accident. Ça, c'est l'émotivité. T'es pas efficace. T'es même dangereusement inefficace. Alors, ce qui fait que si la personne voit ça, elle est arrêtée, elle sait pas quoi faire. Ben oui, mais ça, c'est émotif, ça. Et puis, on a tous la capacité intelligente, du moins intellectuelle, de réagir efficacement à n'importe quelle situation. Simple. Avec tout ce qu'on a lu depuis qu'on est au monde, avec tout ce qu'on a vu à la télévision, avec tout ce qu'on a entendu à la radio, avec tout ce qu'on peut voir dans les journaux, avec tout ce qu'on a comme bagage dans nos mémoires, mais faites-moi pas croire que l'homme peut pas être efficace dans toutes les situations données aujourd'hui. C'est impossible. L'homme a tout pour pouvoir réussir à vivre dans une société hyper harmonieuse, extraordinairement développée ou du côté psychologique ou du moins technologique. D'accord que ça regarde la population, mais au moins nous autres, on est capable de traverser ces événements-là très facilement si l'émotivité essaie pas de venir s'exprimer lors d'un événement. Si le feu prend chez vous, tu pars pas courir dehors, t'arrives sur le balcon nu-pied puis c'est l'hiver, tu rentres en dedans, tu te mets des souliers, tu ressors dehors, des coups là tu penses à ton chat, là tu rentres en dedans, tu sors le chat, tu ressors dehors, tu penses à tes enfants, tu rentres en dedans, tu ramasses tes enfants, tu ressors dehors, des coups tu y penses, c'est peut-être le machin pour le détecteur de feu qui marche mal. Bon, là, tu rentres en dedans, il y a de la fumée. Là, tu repasses encore, fait 20 fois tu passes à côté de l'extincteur, fait 20 fois tu passes à côté de la chambre des enfants, t'es pilé 3 fois ses pattes de ton chat en passant. Mais, vu que c'est l'émotivité qui prime sur le dessus, ben, tu ne fais qu'exprimer des émotions. Mais, t'es totalement inefficace. Mais, Christy, on connaît les détecteurs de fumée, hein. Si t'as peur des incendies, ou ben non, s'il n'y a pas les sorties adéquates, combien que d'individus ici qui ont pu déjà vérifier quelles étaient les sorties d'urgence en cas d'incendie ou de n'importe quoi chez eux. Par où je vais sortir s'il se passe quelque chose? Ben, l'émotivité va dire, ben, ils se passeront rien. Tu sais, ben non, ils ont dû prévoir. Ben, ils ont peut-être prévu, mais ils n'ont pas prévu que toi, ça ne serait pas de voir ce qu'ils ont prévu. Vous rentrez dans un cinéma, ben non, vous rentrez ici. Moi, je sais ce qui sont les sorties d'urgence ici. Mais combien se sont informés des sorties d'urgence? C'est pas par en arrière ici, on est au 11e étage. Des fenêtres en arrière, mais on n'a pas les matelas pour... Alors, vous rentrez dans un théâtre. Où sont les sorties d'urgence? Où vous placez-vous par rapport aux sorties d'urgence? Ça, c'est l'intellect. Même si on va pour s'amuser, donc pour un plaisir absolument astral, et ça, c'est, il faut qu'on exprime notre astral de temps en temps, mais ça n'empêche pas que l'astral ne peut pas s'arranger. Il y a des incendies de temps en temps où il y a des portes qui sont mal faites, puis moi, je travaillais sur l'ambulance, puis j'ai quand même eu affaire à des choses dans le genre. Vous allez trouver, par exemple, des personnes qui sont calcinées, qui sont mortes, à côté d'une porte qui donnait à l'extérieur. Mais la porte s'ouvrait par en dedans. Tout le monde poussait pour sortir, fait qu'ils sont tous morts brûlés là. Bon. Alors ça, c'est ridicule. Ça, c'est l'émotivité. Je veux sortir. Si le mental embarque, il va dire, oui, tu veux sortir le cave, mais tu sors pas, la porte, elle s'ouvre pas. Fait qu'arrête de pousser. Tire donc pour le fun. Tu tires. Puis même qu'il se passerait n'importe quoi, l'homme va s'en sortir. C'est les êtres qui réfléchissent avec leur mental qui s'en sortent. Ils vont broyer après, ils vont rire après, ils vont avoir peur après, mais il y a un après pour les recevoir, par exemple. Ils sont pas morts. Hein? Ils vont pas manger les pissenlits par la racine. Alors, ce qui fait que, continuellement, dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation, l'homme se doit toujours de pouvoir différencier puis de voir comment fonctionne sa pensée. La pensée de l'homme, c'est une parcelle de lui. Mais c'est la seule parcelle qui peut amener l'homme à rester vivant, à part le hasard. Mais à un moment donné, les dieux sont tannés de diriger l'homme, surtout quand l'homme a l'outil pour se diriger. Tu es d'accord pour pardonner à ton enfant tant qu'il comprend pas. Mais quand il comprend, ben là, à un moment donné, tu veux plus, hein? Tu commences à être tanné. Ben, c'est normal. Puis ce que vous avez comme outil, si vous vous en servez pas, ben, à un moment donné, ça fait comme n'importe quel muscle. Ça régresse. La mémoire, ça se développe. Et la capacité mentale de se servir de la mémoire se développe aussi. Et ça, faut s'en servir. Comment? Ben, c'est simple. On commence juste par voir certaines choses. Puis on commence surtout par essayer de discerner lentement entre une pensée émotive et une pensée réellement pensée. Une pensée logique. Si c'est logique de faire quelque chose, si c'est logique de rire, ben rions. Votre pensée ne condamnera jamais votre émotivité. Sauf si c'est l'émotivité qui se prend pour la pensée et qui veut contrôler les émotions. Parce que la pensée logique de l'homme ne contrôle pas les émotions de l'homme. Mais votre émotivité peut se croire, M. Spock, et puis vouloir contrôler ses émotions. Hein? Puis ça peut être l'orgueil, puis il peut donner des raisons. Mais l'orgueil, c'est pas dans la pensée mentale de l'homme, c'est dans la psychologie de l'homme, c'est encore une forme d'émotivité. Alors, ce qui fait que continuellement, dans n'importe quelle situation, ben il faut qu'on regarde logiquement ce qui se passe. Question logique, tu vas me poser là? Vas-y. Faut pas contrôler, mais depuis qu'on peut se souvenir, on nous a toujours enseigné le contrôle. Mm-hmm. Comment en sortir? Ben, premièrement, c'est pas tellement dur d'en sortir parce qu'on n'a pas encore réussi à rien contrôler. Alors, ce qui fait qu'en partant, ça règle déjà un gros problème. Par contre, ce qu'il faut sortir, c'est d'essayer de contrôler. Contrôler ta colère, t'en contrôles-tu? Ah oui, je la contrôle, je suis plus en colère. Tu sais, des fois, je viens partir, puis là, je me contrôle. Bon, mais ton médecin, quand il t'opère, ton ulcère perforé, là, mais lui, est-ce qu'il pense que t'en contrôles bien ta colère? Non, tu l'as transposé d'une autre manière. Au lieu de la crier, ben, tu l'as envoyé au niveau de l'estomac, au niveau du cœur. Au niveau de ton sommeil, hein, que tu dormais plus. Au niveau de bien des choses, c'est quoi à contrôler? Il y a tellement de choses que l'homme ne peut pas contrôler parce que c'est pas contrôlable, mais que l'homme doit canaliser. Ça, je le dis souvent, ce que tu peux pas contrôler, ben, tu dois le canaliser. Et le canaliser, bon, on reprend mon petit exemple de la rivière, je pense que c'est assez clair. C'est que si on a une rivière, puis on veut contrôler la rivière, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un barrage. Par exemple, il y a une rivière qui coule, puis moi, je décide que je vais me bâtir une ville en plein où est la rivière, ou un village, ou un chalet en plein où est la rivière. Alors, ben, je barre la rivière simplement, puis la rivière, ben, coule plus. Je bâtis ma maison. Mais il va venir un temps où c'est que mon barrage va être saturé, puis la rivière, ben, va continuer à couler. Hein? C'est peut-être que plus souple, puisque plus molle l'eau, mais il n'y a rien qui va arrêter ça. Alors, ça va continuer à couler, puis ça va emporter ma maison, mon village ou ma ville. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est ça. Je veux contrôler. J'ai beau être bien orgueilleux. Non, je peux pas contrôler certaines choses. Par contre, je peux les canaliser. Et le contrôle puis la canalisation, c'est bien différent. La canalisation, c'est de travailler en harmonie avec une forme d'énergie, l'eau étant une énergie. Hein? Alors, ce qui fait que si je veux décider de faire un barrage, ben l'eau va passer par-dessus. Si je veux carrément pas que l'eau passe là, je dois canaliser l'eau ailleurs. Pour que l'eau va passer pareil. Alors, si moi, je connais les lois, les mécanismes même de l'eau, les mécanismes même de la nature qui entoure l'eau, alors si je fais un barrage en boîte, ben, c'est pas long, on va se faire emporter, donc il faut que je connaisse bien des choses. Mais dans l'homme, qu'est-ce que l'homme connaît de l'homme? Il connaît pas grand-chose, l'homme de l'homme. Pourquoi? Parce que la partie émotive de l'homme se croit l'être. La partie mentale, de temps en temps, chez certains individus, se croit l'être. Puis d'autres personnes sont typiquement corporelles, puis se croient l'être. Alors, puis l'être, c'est rien de tout ça. Ce sont des expressions de l'être, mais c'est pas l'être. Alors, qu'est-ce que l'homme connaît de l'homme? Il connaît pas grand-chose. L'homme, il souffre, puis il est pas capable de s'en sortir. L'homme veut contrôler sa souffrance, mais il se fait encore plus mal, il se crée un deuxième problème psychologique. Tu fumes, tu sais que c'est pas bon. Tu veux arrêter de fumer en luttant contre, tu te crées un deuxième problème psychologique. Quand tu recommences deux fois plus fort. Alors, ce qui fait qu'il y a quelque chose à faire, mais pas contrôler dans le sens sec. Ça marche pour certains individus, parce que ça transpose d'une autre façon. Si le résultat de la transposition est quelque chose de visible, on voit que ça n'a pas marché. Si c'est quelque chose d'invisible ou de très reporté dans le temps, on pense que ça a marché, mais ça ne marche pas. L'homme n'a pas à contrôler son émotivité. Par contre, il y a une chose qui peut s'exprimer à la fois dans l'homme, et c'est là l'important. Si l'homme ne se rend pas compte de ça, ben l'homme va essayer de contrôler. Mais moi, si je réfléchis mentalement, bien logiquement, j'ai pas d'émotivité. Et si j'ai d'émotivité, je suis pas logique. Bon, alors, j'ai pas à contrôler. J'ai rien qu'à être logique ou à être émotif. Alors, ce qui fait que c'est très facile à dire, c'est aussi facile à faire, mais évidemment, il faut finir par comprendre les mécanismes. Comme quand on veut contrôler le barrage, ben au début, notre rivière, alors au début, on met quelques planches, puis on pense qu'elle va suivre ça. Ben, elle suit pas ça, elle. Alors, on creuse un trou, on pense que c'est pas pire. Mais le trou n'est pas assez cru, à un moment donné, elle remplit à force de transporter des scories avec elle. Alors, à un moment donné, bon, c'est ça. Alors, il y a l'expérience, et plus on finit par connaître le mécanisme même, pour le connaître, le mécanisme, ben, faut qu'on s'en serve. Faut qu'on l'étudie dans le moment vivant. Pas quand on est couché dans son lit, c'est un moyen. Mais comme ça là, moi j'ai soif, ça me tente de boire d'autres choses. C'est bien, je peux aller le boire. Puis je peux me dire, bon, je bois tel jus, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bon, je peux faire ça. Il y en a qui sont végétariens, puis qui fouillent en dessous de l'eau salade, voir s'il n'y aura pas une mouche qui serait glissée pour risquer à manger un morceau de viande. Bon, ça, on peut faire des choses, OK. Mais là, faut pas non plus virer fou. Mais d'un bord ou de l'autre. Puis quand je parle fou, c'est pas nécessairement pathologique, mais ça devient dangereux pour l'homme. Alors ce qui arrive, c'est ça, c'est que moi, je fais des choses, et puis bon, ben je vais aller prendre une bière parce que ça me tente. Bon. Et puis je bois ma bière. Mais si je me rends pas compte du changement qui s'est opéré à l'intérieur de ma pensée, ben je peux pas réussir à contrôler ou à canaliser ou à rien faire. Je suis dépendant de mon incompréhension de moi-même. Donc, je suis manipulé par la partie inintelligente de moi-même. Alors, évidemment, j'ai des problèmes. Mais si je me rends compte, je viens pour boire, ce serait mieux de la faire, puis là, je me rends compte de ce qui vient de se passer. Ben, je peux aller boire pareil. C'est parce que je décide que, bon, c'est pas grave. Moi, ma capacité intellectuelle est capable de voir. Mais si je suis au régime, je suis capable de m'arrêter. Puis si c'est l'émotivité qui embarque, je vais me culpabiliser. Et c'est la partie logique qui embarque, je me culpabilise pas. Je le fais ou je le fais pas. C'est tout. Mais je le sais, par exemple, que quand je le fais, c'est parce que ma partie logique, mon intelligence, a décidé qu'il fallait que je le fasse. N'importe quelle action. Et si je m'en rends pas compte, ben ça sert à rien. Je peux pas ni canaliser ni contrôler. Ça paraît que l'air conditionné marche plus, hein? Oui, un peu. Ça faisait du bruit, hein? On va l'arranger durant la pause. Oui, c'est bien beau ça, Daniel. Ton exemple de barrage, ça se comprend bien facilement, ça s'accepte très bien, je pense. Oui, j'imagine. Et puis, les autres exemples que tu as donnés, mais si on prend, par exemple, la colère, une crise de jalousie ou un stress de manque de nicotine aussi ou ça, comment est-ce qu'on canalise ça? On fait un petit retour en arrière bien rapide, là, mais c'est en s'observant, c'est la forme de la manière de canaliser. Premièrement, une chose qui est sûre, c'est que si l'individu est logique, ça c'est rapide, même avant de canaliser, tu canalises quelque chose qui est là. Tu vas canaliser une rivière parce qu'il y a une rivière. Hein? Tu n'iras pas canaliser une rivière dans le désert du Sahara. Parce que tu vas construire un barrage longtemps, mais tu vas pas devenir en sable bien avant que l'eau arrive. Oui, mais ma question impliquait quand qu'il y a colère. Oui, par exemple, mais ma réponse implique que d'abord, si tu me poses la question, c'est parce que tu sais que la colère existe. Tu sais que la colère existe et que tu sais que tu peux devenir en colère. Si tu sais ça, ben, il y a un moment donné, donc, que tu sais que tu n'es pas en colère juste avant d'être en colère. Puis si tu es capable d'être fonctionnel avant d'être en colère, tu n'auras pas canalisé la colère. C'est quoi là? C'est bien simple. Moi, il y a un moment donné où j'étais en colère facilement. Puis par après, en étudiant ces choses-là, ben quand la colère arrivait, j'avais un mécanisme qui me permettait justement de m'observer, puis la colère disparaissait parce que je comprenais. Je voyais sa naissance, sa vie, donc automatiquement elle mourait. Mais il y a un moyen encore plus simple que ça. Au lieu d'étudier la colère, ben soyez pas en colère, c'est bien plus simple. Comment pour être en colère? Ben, si on est capable d'être plus logique que d'autres choses, si tu me lances un verre d'eau en pleine face, OK, fais-le pas parce que ton tapis, là, ça me rend pas ça. Mais si tu me lances un verre d'eau en pleine face, qu'est-ce qui va réagir? Mon intellect qui va dire « Ah, ça fait du bien! » Ou bien non, mon astral qui va être l'orgueil qui vient grimper tout de suite, ne comprenant pas pourquoi tu as fait ça. Il peut pas le comprendre, c'est l'astral qui s'exprime, c'est l'émotivité qui s'exprime. Il peut pas le comprendre. Donc là, je continue à m'exprimer puis je viens en colère. Si c'est mon mental qui observe, il va essayer de savoir pourquoi tu as fait ça. Il va essayer d'étudier les réactions. Mais lui, il ne sera pas en colère. Puis tant que c'est la partie mentale, puis c'est elle qui devrait être là dans des situations comme ça, bien, tant que c'est la partie mentale qui est là, bien, il n'y a pas de colère. Donc, tu n'as pas canalisé ta colère. Puis une personne qui agit comme ça, quand on regarde des films, bien, c'est souvent une personne dans le film qui joue le rôle d'un sage. ou d'un mètre. Hein? Une personne qui s'en va, d'un coup, on le vole. Ah ben, il devait avoir besoin d'argent, hein? Puis il dit, bon, ben, il va falloir que j'aille quitter encore. Ben, tu sais, on est tout un peu jaloux. Puis si je dis à l'homme, ben, soyez plus mental, ah, on sera plus humain. Mais quand tu regardes un bonhomme de même, on veut tout devenir comme lui. On trouve qu'il est plus humain. Ben, il est bien plus humain aussi. Parce qu'au lieu de taper dans la face du monde, ben, vu que c'est le mental qui dirige, ben, automatiquement, tu vas exprimer des choses qui sont harmonieuses, adéquates et constructives pour toujours t'amener plus haut. Bon, t'es pas plus haut dans le terme nécessairement évolutionnaire. Tu augmentes tes vibrations. Ton rythme vibratoire augmente, t'es plus haut. Mais si tu laisses naître la colère en toi, ben déjà qu'il y a déjà un chemin de fait pour la colère, c'est évident que, ben là, t'es fait. Parce que même si je te dis t'as à raisonner logiquement, ben c'est évident que tu seras plus en colère. Mais vu que t'es en colère, tu pourras pas être bébé logique. Ou tu vas être logique quand tu vas tout tirer ton vaisselier dans la face de ta femme, et vice-versa, là, quand il reste plus rien, quand t'es bien épuisé, ben là, à un moment donné, tu peux plus exprimer l'émotivité, à moins que tu portes à broyer. La logique va venir, puis là, tu regardes ce que tu as fait, puis là, tu prends conscience de ce que tu as fait, puis là, tu trouves que ça n'a pas d'allure. L'émotivité s'en empare, puis tu culpabilises. Alors, c'est simple. Pour l'instant, je veux dire, on peut s'observer, mais ça, j'ai déjà fait beaucoup de conférences là-dessus. Si quelqu'un, mettons, ses intérêts, je pense, c'est déjà enregistré. Mais sinon, bien, la base même, avant l'observation, tu observes quelque chose qui est là. Mais une petite plante qui pousse, là, une mauvaise herbe qui pousse, c'est facile de le détruire avant qu'il devienne un arbre. Surtout si c'est un baobab, hein? Alors, ouais, non, un pin de Colombie. N'importe quelle chose, une révolte qui commence, facile à étouffer. Pas une guerre civile. Alors, c'est la même chose pour notre colère. S'il se passe quelque chose et que je m'efforce d'analyser ma vie d'une façon intelligente, intellectuelle, d'une façon logique, je vais être capable d'être bien plus humain que les humains. Parce que c'est un humain intelligent qui va se promener. Pas un humain aberré qui va selon l'impulsion du moment, selon la forme de ce qui arrive à l'extérieur pour le contrôler. Parce que sur l'ambulance ou même dans la vie ordinaire, si tu vois par exemple une personne qui tombe, qui se noie, bon, puis disons par hasard, elle se met à flotter, puis elle tombe sous le bord, t'as pas besoin de la chercher, fait que t'as pas besoin de demander si c'est nager ou non. Mais la personne est toute laide. Tu vas-tu y faire du bouche à bouche? Mais si c'est un enfant de 7 ans qui est bien beau, tu vas sans doute y faire du bouche à bouche. Il y a l'apparence physique, il y a l'âge. Mais tout ça, c'est psychologique, parce que qu'un adulte, qu'un enfant meurt, c'est la même affaire. Ça va tout mourir à un moment donné, pareil. On attache une importance. Hein? Mais c'est la même affaire. Mais toi, personnellement, l'émotivité, il y en a une qui va te pousser à y aller, un autre qui va carrément t'empêcher d'y aller. L'événement, c'est le même. Okay. Dans le mental, un exemple, un cas comme ça, là, comment canaliser cette énergie. Moi, tu vois ce que je ferais le bouche à bouche sur l'enfant, puis je sortirais mon ambu et ma guédelle pour l'autre. Mais, Mais enfin. C'est ça la canalisation. Ben oui. Parce qu'il y a la logique avec qui rentre. Si je donne la réponse logique, tout le monde va se donner la même réponse, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais il y a plusieurs sortes de maladies qui sont pas tellement, disons, plaisantes à porter. Et puis, tu as moins de chances, évidemment, qu'un enfant soit porteur de maladies. Puis, tu as plus de chances de réanimer aussi. Alors, ce qui fait que, mettons que c'est plus... Mais logiquement, ben, il y a quelque chose à faire. Et puis, si c'est pas l'émotivité qui veut te forcer à travailler, tu es capable de faire quelque chose. Ou de savoir qu'il n'y a rien à faire. Mais si tu sais qu'il n'y a rien à faire, puis c'est la partie mentale qui travaille, si tu ne broyeras pas, si tu ne culpabiliseras pas après, tu ne passeras pas 2 semaines à te demander si tu aurais pu faire de quoi, ben non, tu ne pouvais pas rien faire. Fait que, va-t'en, tu ne peux plus rien faire. Tu peux-tu appeler une ambulance? Non, un jolla. Tu peux plus rien faire. Ben va-t'en. Hein, reste pas là à vouloir regarder et à vouloir bénéficier pour ton astral. Pour après ça, pas dormir pendant 3 jours. Hein, va-t'en. Là, t'es logique. T'es bien plus humain que les humains normaux. T'es pas la personne qui va être là, auquel faut qu'on dise « tassez-vous, tassez-vous hein? » Puis qui veut donner des conseils, il y a tout croche travers là-dedans, qui sait pas ce qu'elle fait là, c'est juste son émotivité. L'homme se doit, puis ça, l'homme, il le doit absolument. Pourquoi tu penses qu'on part, on a peur d'apocalypse, puis qu'on risque de s'en aller là? Ben, c'est parce que notre mental est au service de notre émotivité. J'ai peur, donc je fais des armes. J'ai peur qu'ils m'attaquent, donc je les attaque. Mais ben, à un moment donné, si on devient intelligent, si on devient logique, on a une émotivité, on est humain. Mais on s'en sert quand il faut. Alors, si je suis logique, Ah oui, mais crème, si tout le monde est, tu sais, veux dire, le peuple soviétique ou le peuple, n'importe quel peuple, ben, ils veulent pas plus la guerre qu'un autre. Ils ont peur de se faire attaquer. Puis les Américains ont peur de se faire attaquer. Puis on a toute peur de se faire attaquer. Puis comme on a peur de se faire attaquer, ben, à un moment donné, on va attaquer. Pour être sûr qu'ils nous attaqueront pas. Bon, mais ça, c'est la belle émotivité qui se sert de notre intellect pour pouvoir assouvir son émotivité, s'assouvir elle-même. À un moment donné, si l'homme est intelligent, si l'homme est intellectuant, ben, il n'y aura pas de conflit comme ça. Quand est-ce qu'il y a des chicanes entre deux robots? Il n'y en a pas. Quand est-ce qu'il y a des chicanes entre deux êtres intelligents? Il n'y en a pas. Parce que si on ne parle pas le même vocabulaire, ben, on s'en rend compte. On parle la même chose dans d'autres mots. On ne s'astine pas sur des mots. Mais si l'orgueil, si l'émotivité va absolument avoir raison sur tel mot, sur telle affaire, tu sais, tu commences à faire une discussion avec quelqu'un, puis si tu te chicanes, ben regarde la fin de ta chicane. Ça n'a même pas aucun rapport avec ce avec quoi tu avais commencé à discuter. Ça n'a aucun rapport. Prends une chicane de famille, une chicane entre amis, une chicane sur la route. Ça n'a aucun rapport. Ça a toujours la même forme. Tout le temps la même forme. C'est l'émotivité qui s'exprime, qu'elle s'exprime en riant, qu'elle s'exprime en criant, en chicanant ou en pleurant. Elle s'en fout, elle s'exprime. Mais, par contre, certaines formes d'énergie de son expression détruisent l'homme. Mais l'astral, la psychologie de l'homme, ça ne le sait pas. Ce qu'elle veut, c'est s'exprimer. Si le mental prend le dessus, le mental sait ce qui est bon pour l'homme, pour le corps physique, pour le corps vital, pour l'astral elle-même et pour lui. Alors, automatiquement, ben, il n'y a pas de chicane sur la route. Hein? Dans le parc des Laurentides, près de Chicoutimi, ben, il y a un bonhomme qui roulait lentement. Son auto avançait mal, ou ben non, lui, il décidait qu'il économisait l'essence. Puis il y a un gars en arrière qui klaxonnait au coton au lieu de dépasser, ben, il voulait absolument forcer l'autre à rouler plus vite. À un moment donné, l'autre, ben, ce qu'il a fait, ben, il s'est collé sur le bord de la route pour laisser passer le mec. Mais l'autre, oh, c'est pas suffisant. Il s'est collé en arrière, il est descendu pour aller engueuler le chauffeur d'en avant. L'autre, il est sorti, ils ont commencé à s'engueuler. La femme est sortie à gueuler avec. C'était le soir. Ils ont gueulé longtemps. Il y a un char qui s'en venait puis il a tué deux bonhommes parce qu'il les a pas vus. Tu sais? Ben c'est quoi, c'est ça? Es-tu intelligent? C'est pas ben fort. Mais ça, c'est continuellement. Là, on parle d'un extrême, mais ça aurait pu être n'importe qui d'ici, ça. Tu sais, c'est tellement, tellement des choses niaiseuses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'émotivité. On a, merde, on a une forme intellectuelle, on est intelligent d'une façon intellectuelle, on est capable de se servir de nos expériences. À quoi ça vous sert, vos expériences? Ça sert juste à venir nourrir votre émotivité. Ça a une certaine forme de plaisir, d'accord. Disons que c'est agréable. Mais il faut aussi que ce soit utile et efficace. Vous apprenez à piloter un avion, puis vous êtes dans un avion, puis l'avion marche tout croche, ben vous pensez rien qu'à vous tenir après votre bain. Ah oui, ben Christy, vous avez de l'expérience continuellement. On voit des choses à la télévision, de pas monter avec une antenne pour aller la poser sur un toit, là, de faire venir quelqu'un. Mais il y en a régulièrement qui s'électrocutent. Il y a tellement d'idioties comme ça continuelles. Puis on a l'expérience pour éviter ça. Bouclez votre ceinture. Bon, on en ramasse du monde qui a des accidents de char. Les deux personnes en avant, ils ont rien. La personne assise en arrière entre les deux bancs, ben, elle est allée se taper à la tête sur le bras de vitesse. Fait qu'elle a plus de nez. Bon, mais s'arrêter attachée en arrière, elle restait là. « Oh, mais de temps en temps, ça tue. » Oui, c'est vrai que ça tue. Une personne qui boucle sa ceinture, il y en a trois qui meurent sur 1000. Puis les autres, ben eux autres, ils seraient morts s'ils n'auraient pas eu leur ceinture. Fait que c'est une bonne raison pour qu'on s'attache, ça. Parce qu'il y en a trois de temps en temps qui seraient morts avec leur ceinture. Parce que tu étais trop nerveux pour essayer de... Quand t'es sous l'eau, là, au lieu de peser sur le bouton, là, pour la défaire, tu tirais dessus. Mais tu l'arracheras pas. Ceinture qui bloque, là, m'a dit franchement. Les capots des chars, ils s'ouvrent, les accidents. Les portes, ils revolent, les accidents. Les pneus partent, le moteur, ils revolent. Les ceintures, ils se déboutonnent tout seuls. On arrive, c'est le lieu des accidents, nous autres. Clic, t'ôtes la ceinture. Le char, il n'a plus de char. Le banc, il est dans le champ que le gars dessus. Mais t'ôtes la ceinture. Tu sais? Fait que, bon, mais c'est ça. Si on est intelligent, on se sert de notre intellect, ben, mot t'a dit que l'homme, il peut avancer en tabarnouche. Dans tous les domaines. En parlant de se servir de son intellect, si on revenait à la canalisation, qui est très importante, Daniel, tu as commencé à parler de l'observation, qui était un outil pour canaliser. Peux-tu élaborer un peu plus? Oui, on peut élaborer un peu plus. De toute façon, c'est assez important, puis même si on en parle de temps en temps, je ne crois pas que tout le monde puisse saisir la première fois. Ben, l'observation, c'est quand on a une émotion en nous, quelque chose qui naît, disons la colère, par exemple, on parle de colère. Bien, si on vient pour sortir de notre auto pour aller taper sur l'individu en avant, ou qu'on fouille dans notre coffre à gants à sortir notre canif, là, mais pendant qu'on fait ça,